laisse entrevoir le jour. Et puis, tu t'en vas. Tu me laisses entrevoir l'amour. Et tu es avec un autre que moi. Ça évite les longs discours où on se noie. Ça évite la longue histoire d'amour qu'on ne connaîtra pas. Sans cri, sans appel au secours, sans même qu'on ne sache pourquoi. Oh, dispensez-moi d'amour qui n'est plus à l'heure. Dispensez-moi tout court. Oh, dispensez-moi l'amour qui n'est plus à l'heure. Dispensez-moi tout court. Oh, dispensez-moi d'amour qui n'est plus à l'heure. Oh, dispensez-moi tout court. Si c'est pour aussi peu de bonheur, aussi peu de bonheur. Oh, dispensez-moi tout court. Si c'est pour